Now, let's pay homage, Lord, together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thank you. Yesterday we study Jada Visuddhi, purification of mind, especially it belong to Samatha. Okay, Samadhi. We already studied. Today we are going to study it. Deity Visuddhi, purification of view. It is a Vipassana session. Today going to start Vipassana session, Vipassana view. Okay. Donc hier, nous avons étudié Citta-Visuddhi, la purification de l'esprit, et cette purification concerne essentiellement la concentration samadhi. Aujourd'hui, nous allons étudier Ditti-Visuddhi, la purification des vues, et cette purification concerne essentiellement Vipassana. Depuis vendredi, vous développez votre concentration. Nous avons vu hier la concentration. Et donc, elle est devenue forte. Vous disposez dorénavant de la volonté, d'une forte volonté, ce qui veut dire une forte concentration. Vous pratiquez maintenant Vipassana et vous observez les phénomènes physiques et mentaux à l'intérieur de vous. Et grâce à cette bonne concentration, vous voyez très clairement. Vous êtes en fait arrivé à cette purification, nama, rupa, paricheda, jnana. Paricheda veut dire distinguer. Vous distinguez donc très clairement les phénomènes physiques des phénomènes mentaux. Ici, on parle donc non pas de paricheda, nama, rupa, paricheda, jnana, mais de nama, rupa, bhavatana, jnana. En fait, paricheda et bhavatana sont des synonymes. Tous les deux mots veulent dire distinguer. D'un point de vue pratique, vous êtes ici à pratiquer la méditation Vipassana et vous le faites avec une forte concentration. Vous observez la respiration, Anapanasati, l'attention à la respiration. Vous faites, comme on l'a expliqué hier, les quatre exercices. Lorsque votre respiration est longue, vous en êtes conscient. Lorsque votre respiration est courte, vous en êtes conscient. Vous êtes capable d'observer l'entièreté du processus, du début à la fin, et vous êtes capable de tranquilliser cette respiration. On peut alors dire que vous voyez clairement le processus de la respiration. En fait, le processus de la respiration, c'est l'élément air. Vous observez l'élément air. Au moment où l'air est introduit dans le corps, vous en êtes conscient et vous maintenez votre attention, votre observation jusqu'à ce que le mouvement se termine. Vous voyez l'élément air qui se diffuse dans le corps. Au moment de l'expiration, vous observez attentivement et vous voyez là aussi le processus de l'air. Vous voyez le mouvement qui se développe par étapes successives. On dit alors que vous voyez les caractéristiques de l'élément air. Caractéristique se dit lakana en pali. Anapanasati, l'attention à la respiration, c'est donc tout simplement observer l'élément air. Ce n'est pas observer le nez, c'est observer l'élément air. Observer les caractéristiques de l'élément air, les lakana qui sont le mouvement. C'était donc lakana, les caractéristiques. Vous allez expérimenter également rasa, la fonction de l'air. Lorsque vous pratiquez l'attention à la respiration, vous allez tôt ou tard expérimenter la fonction de l'élément air. Vous observez votre corps et vous voyez que par moments le corps bouge, ou bien il tremble, ou bien il y a toutes sortes de petits mouvements. Il se peut même parfois que le yogi s'attache à ses mouvements et voit son corps, prend plaisir à voir son corps qui bouge dans tous les sens. Vous voyez alors, rasa, la fonction de l'air. Vous observez l'élément air, la fonction de l'air, dans toutes les postures, que vous soyez en posture assise, pendant la marche, pendant la posture allongée, au moment où vous prenez votre repas, cet élément air va se manifester sans arrêt. Par exemple, vous observez la marche, vous observez, commencez par observer la posture debout. Ensuite, vous commencez à marcher et vous notez à gauche, à droite. De nouveau, vous voyez l'élément air qui est présent. Vous observez attentivement et vous observez dans toutes les postures, dans toutes les activités que vous êtes amené à faire tout au long de la journée. Vous voyez de mieux en mieux la fonction de l'élément air. Vous êtes ici dans un centre de méditation à Damarancy et vous devez considérer que c'est un atelier, un endroit où vous allez faire une recherche à propos de vous-même. Vous êtes donc ici à faire une recherche à propos de ce que vous êtes réellement. Et vous commencez avec l'élément air, vous le voyez de mieux en mieux, de plus en plus clairement. Vous le voyez dans tous vos mouvements. Vous le voyez également au moment où vous prenez votre repas, l'élément air est présent. Vous le voyez partout et vous avez également développé une très forte puissance mentale, une forte concentration. Le méditant qui pratique ainsi va progressivement comprendre notamment l'élément air. La compréhension se dit en pali jnana, c'est une compréhension intuitive, c'est ce que l'on appelle la sagesse. Et c'est la signification du mot pali, patupatana, qui veut dire en réalité bénéfice. Vous allez observer ainsi, et si vous pratiquez l'attention à la respiration au niveau des narines, vous allez observer toutes sortes de choses. Petit à petit, vous allez voir que ces inspirations et ces expirations sont toujours différentes, elles ne sont jamais les mêmes. Au moment où vous inspirez, il est possible que vous ressentiez à l'intérieur du nez une sensation de froid, tout simplement parce que l'air qui est inspiré vient de l'extérieur et qu'il est froid. Au moment où vous expirez, vous pourrez peut-être constater que quelque part, à l'intérieur du nez ou sur le pourtour des narines, vous expérimentez une sensation de chaleur. Cette chaleur est simplement due au fait que l'air qui sort du corps est plus chaud. Donc, vous expérimentez à ce moment-là les qualités de l'élément tejo, l'élément température. Vous avez donc expérimenté deux sortes d'éléments, les qualités de deux grands éléments, l'élément air et l'élément température. Vous observez attentivement et vous expérimentez au niveau de la respiration l'élément air et l'élément température, deux des quatre grands éléments. Il faut savoir que nous sommes tous composés de ces quatre grands éléments. À l'intérieur de nous, il n'y a que cela, les quatre grands éléments. Bhante les a énumérés sur l'écran. Donc, il y a Patavi Dhatu, l'élément terre, Apo Dhatu, l'élément eau, Tejo Dhatu, l'élément température, et Vayu Dhatu, l'élément air. Vous avez donc expérimenté tout cela à l'intérieur de vous et vous commencez à comprendre qu'il n'y a là que les quatre grands éléments, la manifestation de ces quatre grands éléments. Et vous devez comprendre également que ceci est vrai non seulement pour vous, mais également pour tous les êtres vivants. Et pas seulement pour tous les êtres vivants, c'est vrai également pour tout ce qui existe dans l'univers, comme les montagnes, les fleuves. Tout, absolument tout dans l'univers n'est jamais fait que de ces quatre grands éléments. Donc, Bhante demande à Olivier et à l'ensemble des méditants ici présents de s'observer eux-mêmes. Et il demande, est-ce que vous ressentez de la dureté ou de la douceur dans votre corps? Alors, oui, dit Olivier, je ressens ces sensations. Et Bhante précise que la chair, par exemple, c'est effectivement la manifestation de l'élémentaire, Patavidatu, mais dans sa forme douceur. Par contre, les eaux, c'est également la manifestation de Patavidatu, l'élémentaire, mais dans sa forme dureté. Donc, tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi comme étant soit doux, soit dur, relève de l'élémentaire. Nous avons tous ces éléments à l'intérieur de nous. Nous avons essentiellement l'élémentaire qui a deux qualités, la dureté et la douceur, et nous avons l'élément eau, tout ce qui est liquide, comme le sang, l'urine, les larmes, tout ce qui est liquide à l'intérieur de nous relève de Apodatu, l'élément eau. L'élément suivant, c'est Tejodatu, l'élément température. Bhante demande à Olivier, comment ressens-tu ton corps? Est-il chaud ou froid? Olivier répond qu'il le ressent comme chaud. La chaleur, c'est donc une des caractéristiques de l'élément Tejo, l'élément température. S'il devait aller dehors, il ressentirait du froid sur le corps. Ce froid, ressenti de froid, c'est également Tejodatu, l'élément température, mais dans sa deuxième caractéristique qui est le froid. Vayodatu, c'est l'élément air, et cet élément air est ce qui permet le déplacement. Si nous parvenons à nous déplacer, à faire des gestes, tout cela, c'est grâce à l'élément air. L'élément air permet donc toutes les activités physiques. Elle permet également, par exemple, au ballon dans un match de football de se déplacer, permet à la lune de se déplacer dans l'espace, aux avions de voler. Toutes les activités sont dues à l'élément air, sont rendu possible grâce à l'élément air. Sans cet élément, sans l'élément air, il serait impossible de faire quoi que ce soit. Et ceci est valable pour tous les êtres vivants. Nous sommes tous composés de ces quatre dhatus, de ces quatre éléments. Mais il n'y a pas que nous qui en sommes composés, il y a également tous les êtres vivants, du plus grand au plus petit, de l'éléphant au virus, tous ces êtres vivants sont composés de quatre grands éléments. Et ce n'est pas là qu'on s'arrête. Tout dans l'univers n'est jamais composé que de ces quatre éléments, les arbres, les pierres, les montagnes, les rivières. Tout dans l'univers n'est jamais composé que de ces quatre grands éléments. Vous pratiquez Vipassana, vous observez donc à fond, de façon pénétrante, et selon des modes différents, tout ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. Vous faites une espèce de recherche à propos de vous-même et vous voyez, comprenez intuitivement par la pratique que vous êtes composé de ces quatre dhatus, ces quatre grands éléments. En réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre un homme et une femme. Ils sont tous les deux composés des quatre grands éléments. Vous comprenez tout cela. Vous comprenez les caractéristiques. Vous comprenez les fonctions, vous comprenez les manifestations et vous comprenez la cause immédiate. Donc, Bhante va expliquer en quoi consiste la cause immédiate. Lorsque vous observez votre respiration, il demande d'abord de le regarder, lui, de ne pas regarder votre texte. Vous devez expérimenter à l'intérieur de vous. Donc, lorsque vous observez votre respiration, vous constatez qu'il y a certaines caractéristiques qui se manifestent. Vous allez commencer par expérimenter l'élément air, Vayodato. Vous voyez l'air qui entre, l'air qui sort. Et si vous continuez à observer très attentivement pendant une dizaine de minutes, vous pourrez voir apparaître Tejodato, l'élément température. Nous venons d'en parler. Si vous ressentez par exemple une sensation de froid à l'intérieur du corps à l'inspiration et une sensation de chaleur à l'expiration, vous expérimentez l'élément température, la chaleur et le froid. Vous continuez à observer Et vous allez constater que parfois votre respiration est forte, parfois elle est faible, elle est douce ou forte. C'est l'élément terre. Et donc, vous expérimentez également que cette respiration se produit par mouvements successifs, par vagues successives. C'est l'élément apo, l'élément eau. Vous avez donc vu l'élément principal de la respiration qui est vayu, l'élément air, mais vous expérimentez également que sans apo, sans tejo et sans patavi, cette respiration n'aurait pas lieu. Donc ces trois autres éléments, apo, tejo et patavi, sont les causes immédiates. Nous sommes tous faits de ces quatre éléments. Et ces quatre éléments fonctionnent non-stop à l'intérieur de nous. Vous pouvez constater qu'ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître, et c'est ceci sans interruption. Donc, vous expérimentez alors anicca, l'impermanence. Vous voyez que ces éléments n'en finissent pas de changer, d'apparaître, de disparaître. Tout cela, c'est la compréhension de la caractéristique de anicca. Vous allez alors constater également qu'il est impossible de mettre fin à ce flux incessant. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait le contrôler? Non, vous constatez qu'il est, c'est impossible de le contrôler. Ces choses se passent naturellement d'elles-mêmes, obéissant à des lois qui leur sont propres. Vous ne pouvez rien y faire. Vous expérimentez alors de façon authentique la caractéristique de anatta, le non-soi. Il n'y a personne à l'intérieur de nous qui gouverne quoi que ce soit, qui déciderait de quoi que ce soit. Il n'y a pas de créateur, il n'y a que les éléments qui fonctionnent selon des lois qui leur sont propres. Vous allez alors, de temps à autre, ressentir des sensations désagréables à cause de ces éléments. Vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas modifier quoi que ce soit, tout cela se passe automatiquement, vous ne pouvez qu'accepter. Vous expérimentez ainsi la caractéristique de dukkha, qu'on traduit par souffrance. Vous avez ainsi commencé à expérimenter les trois caractéristiques des phénomènes, anicca, dukkha et anatta. C'est pour cette raison qu'on dit que la méditation vipassana, c'est une recherche à propos de soi-même. Vous essayez de réaliser la véritable nature du corps et de l'esprit. Et la véritable nature, c'est les trois caractéristiques, anicca, dukkha et anatta. En fait, cette purification suivante, j'en ai déjà parlé lors de mon exposé de celle qui a précédé. Donc, je viens d'en parler, mais il faut tout de même savoir que lorsque vous marchez, par exemple, c'est l'élément air qui est prédominant, mais les trois autres sont également présents. Lorsque vous urinez, l'élément eau est présent, le premier élément, le plus important, mais les trois autres le sont également. Donc, les quatre éléments sont toujours présents dans des proportions variables. Vous comprenez maintenant, en tout cas dans une certaine mesure, qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'entité permanente à l'intérieur de vous qui gouvernerait ces éléments, il n'y a pas de Dieu, il n'y a jamais que des phénomènes naturels qui procèdent de causes, et ces causes leur sont propres. Tout est interdépendant, ces quatre éléments sont interdépendants. C'est un petit peu comme une famille, il y a le père, la mère, les enfants, ils ont tous besoin l'un de l'autre. Par moment, on aura besoin du père, par moment, c'est la mère qui sera prédominante, par moment, ce seront l'un ou l'autre des enfants. Disons que cette famille fonctionne en interaction. Tout le monde est interdépendant. Vous comprenez également que c'est vrai non seulement pour le présent, mais c'est également vrai pour le passé. Par exemple, il y a 2 secondes, vous pensiez à ceci ou vous expérimentiez cela. Il y a 1 semaine, il y a 1 mois. Donc, tout ceci est vrai également pour le passé, qu'il soit proche ou lointain. C'est vrai également pour le futur, Dans le futur, vous allez également expérimenter certaines choses et de nouveau, vous pourrez constater qu'il n'y a jamais là que des phénomènes naturels qui fonctionnent en interaction. Vous comprenez que les appellations comme homme, femme, chien et chat ne sont jamais que des appellations, qu'en réalité, il n'y a que les quatre grands éléments. Et vous voyez également que ces quatre grands éléments, ainsi que l'esprit, sont constamment en train de changer, c'est anicca. Vous voyez qu'ils sont incontrôlables, c'est anatta. Et vous comprenez également intuitivement qu'ils sont source de souffrance, car par moments, à cause de ces éléments, vous expérimenterez des sensations douloureuses. À d'autres moments, vous expérimenterez des sensations agréables. Vous comprenez que c'est la vie, que vous ne pouvez rien y faire, que ce ne sont jamais que des phénomènes naturels qui fonctionnent en interaction. C'est cela, Vipassana. Vous allez alors surmonter le doute à propos de tout cela, à propos surtout de la présence d'un créateur ou d'une entité permanente qui gouvernerait ces choses, d'un ego. Et vous voyez tout cela grâce à Vipassana. Bhante demande, est-ce que vous avez déjà vu tout cela à l'intérieur de vous? En avez-vous fait déjà l'expérience? Tout ceci est essentiellement dépendant des accumulations passées. Si vous avez déjà développé dans des vies antérieures l'effort, l'attention, l'investigation, vous aurez sans doute plus de facilité à expérimenter ces choses en ce moment. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'accumulations passées. Ce n'est pas grave. Il faut, quoi qu'il en soit, essayer, essayer et encore essayer. Pratiquer, pratiquer et pratiquer encore, c'est la seule façon d'y arriver. Mais sachez que vous avez tous, vous qui êtes ici, déjà une certaine dose d'accumulation passée, car si vous ne les aviez pas, vous ne seriez tout simplement pas ici. Vous avez déjà développé la confiance sadda dans une vie antérieure. Sinon, vous ne seriez pas ici. Continuez à consolider cette confiance, cette sadda, et pratiquez le plus possible. For trying this kind of way, may all of you be well, happy, peaceful, finally attain nirvana with them. Thank you, Madam. Sadhu, sadhu.